c'est avec une émotion profonde que j'ai pu entendre à nouveau l'admirable voix de mon père éteinte depuis 1909. Ah, comme je l'ai bien reconnu, bien retrouvé dans ce cylindre étonnant que vous allez entendre à votre tour. La balade du duel du premier acte de Cyrano de Bergerac. Et quels souvenirs merveilleux elle a évoqués en moi, tandis que le rythme de ses vers venait frapper mon oreille. Je nous revoyais, lui et moi, dans notre appartement de la rue de Presbourg, au mois de novembre 1897, où presque chaque matin, nous attendions la venue de notre ami Bourgoin, l'excellent maître d'armes qui s'était chargé de la mise au point des diverses phases de ce duel en vers. Ne fallait-il pas que le spectateur pût assister dans son fauteuil à l'improvisation simultanée de chaque vers et de chaque coup d'épée, le tout dans un style impeccable de l'escrime au temps de Louis XIII. Aussi quel travail de précision, acharné et passionnant, pour qu'aucune faute ne fût commise. L'engagement du fer n'avait lieu qu'au commencement de la deuxième strophe, sur « Vous auriez bien dû rester neutre ». Première feinte, coup de taille, sur « Dans le flanc sous votre maître », suivi d'une seconde feinte, coup d'estoc, sur « Au cœur sous votre bleu cordon ». Et les deux épées de Cyrano et du Vicomte se liaient dans une poussée des deux adversaires l'un vers l'autre jusqu'à se choquer tous deux. Ah, comme vous l'entendez bien, ce choc dans le ding-dong. Quelle sonorité métallique dans ce ding que la voix vibrante de Coquelin fait si clair résonner. Suivez-moi attentivement pour bien comprendre la suite et en saisir la difficulté. Donc, les deux mains tenant les deux épées se sont jointes. Cyrano, lui, a lâché son arme de sa main droite pour la faire passer dans sa main gauche. Et de la main droite libre, il a saisi le poignet du vicomte, qu'il repousse violemment en arrière pour le faire reculer et se donner du champ. Oui, à cette époque, on pouvait ainsi en venir aux mains dans un duel. Le code de l'escrime le permettait. Puis, Cyrano se redressait, tandis que de la main gauche, il faisait un moulinet en arrière, faisant voltiger sa pointe comme une mouche, de sorte que son épée passant derrière son dos, il pouvait de la main droite la saisir par le milieu de la lame et la faire à nouveau sauter en l'air pour la prendre par la poignée et se retrouver en garde. Là, parbleu, ça n'est pas commode. Retenez bien en passant l'intonation de mon père sur le mot bedon et savourez le délicieux mépris que lui inspire son adversaire. Lorsque Rostand versifie, tac, je pars la pointe don, vous espériez me faire don. Cyrano risque de dire plus naturellement, je pars la pointe dont vous espériez me faire don, perdant ainsi l'effet de rime voulu par Rostand. Aussi, mon père avait-il imaginé d'amorcer sur le mot tac une parade qui formait victorieusement sur la première rime. Je souhaite que ces quelques détails aient pu vous faire entrevoir le mécanisme du travail auquel mon père se livrait pour mener à perfection l'exécution de ce duel fameux, reçu le soir de la générale de Cyrano avec un enthousiasme délirant. Peut-être vous fera-t-il mieux comprendre les efforts de toutes sortes nécessaires à l'art si complexe du comédien, soucieux d'illustrer scrupuleusement toutes les ressources des grands auteurs. Rien ne pouvait être plus favorable à cette initiation que l'enregistrement tout bête. Fragment de Cyrano de Bergerac par M. Coquelin. Balade du duel. En l'hôtel Bourguignon, M. de Bergerac lutte avec un V. Qu'est-ce que ce pas, s'il vous plaît? C'est le titre. Ah! Très amusant! Rendez-vous! Pas de police! Attendez! Grâce, mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon. Élégant comme Péladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Mirmidon, qu'à la fin de l'envoi, je suis. Vous auriez bien dû rester neutre. Pouvais-je vous larder d'un don dans le flanc votre Maheutre. Au cœur, sous votre bleu cordon, les coquillages irritants, ma pointe voltige, une mouche, décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je suis. Il me manque une rime en œuvre. Pour romper du blanc canidon, c'est pour me fournir le mot pleuvre. Tac, je pars la pointe donc, vous espériez me faire son. J'ouvre la ligne, je la bouche, tiens bien ta broche, l'argent, à la fin de l'envoi, je touche. Envoie, prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je pince et la dent. À la fin de l'envoi, je touche. Le Paul Billot, dit par Mademoiselle Maria Legault. Que cet être délicieux, tous ces regrets de la nature, les cheveux fous mangent les yeux et les yeux mangent la figure. Le nez, avec ses airs osés, toujours fripon, gay, surette, la lèvre tendue au baiser, à la riposte est bientôt prête. La main est blanche, le pied vif. Le bras rond tient bien à l'épaule, la taille est droite comme un if, avec ce souplesse de tôle. Tout ça, ce ventre coquet, fait l'esprit, le charme, la grâce. Où ça va-t-il? Où ça vient-il? On le sait, jamais tout ça passe. C'est un fruit que nous aimons bien, et dont la saveur est exquise. Ça s'habille avec presque rien, et saigne comme une narcisse. Ça remet à chaque printemps plus frais que la fleur odorante, et quand ça possède 20 ans, ça les conserve jusqu'à 30. Ça jette au-delà des moulins plus de bonnets, qu'un pape même n'en pourrait bénir des deux mains. Et ça dit, ouais, j'aime qui m'aime. C'est encore trop modeste, car quand on l'aime, ça vous adore. Ça n'a qu'un seul Dieu, le hasard, et ça se touche avec l'aurore. Ça vous a des chagrins d'amour à fondre l'âme d'un apôtre. Ça se tue une fois par jour, et ça meurt dans les bras d'un autre. Tantôt loué, tantôt maudit, quand ça résonne, ça dit bon, faites-moi la fin du monde.